Voici maintenant un enregistrement qui diverge des autres que j'ai produits jusqu'à présent sur cette chaîne, qui sont en relation avec la conscience supramentale, parce que maintenant j'ai décidé de faire un enregistrement en relation avec la musique et plus particulièrement de rendre hommage au musicien américain Moby. Donc, j'apprécie la musique depuis plusieurs années. Donc, c'est un musicien que j'aime écouter et réécouter les œuvres. Et dans les prochaines minutes, je vais vous parler un petit peu de lui. Je vais aborder aussi les chansons que je préfère qu'il a produites. Et également apporter un commentaire qu'il m'inspire par la suite. Alors, tout d'abord, ce que je peux mentionner concernant Moby, c'est que c'est un auteur, compositeur, interprète. C'est un multi-instrumentiste, c'est-à-dire qu'il joue de plusieurs instruments. Il joue de la guitare, des claviers, de la basse, des percussions, et également il chante. Donc, c'est un artiste qui a plusieurs cordes à son arc, et aussi, faut dire que c'est un musicien qui touche à plusieurs styles, autant la musique techno, blues, rock, gospel. Donc c'est très varié. Donc c'est très varié le type d'œuvre musicale qu'il a produite au fil du temps. Il a un peu plus de 20 ans de carrière, plusieurs albums à son actif, une très belle sensibilité et en plus c'est un musicien qui est engagé par rapport à certaines œuvres à caractère humanitaire. Par rapport à ce musicien, j'ai décidé de faire un petit palmarès par rapport aux 5 chansons que je préfère qu'il a réalisées au fil du temps. Alors, je vais vous présenter ces chansons. Bien entendu, pour des raisons de droit d'auteur, je n'ai pas mis des extraits de ces chansons dans le cadre de cette vidéo sur YouTube. Par contre, il va être possible de retrouver en bas de cet enregistrement les liens YouTube qui vont vous permettre de les écouter et de les entendre. Alors tout d'abord, parmi ces chansons, il y a celle qui s'intitule « Inside » que j'apprécie en particulier. Je trouve que c'est une chanson qui, comme le nom le dit, « Inside », intérieur, qui va favoriser l'intériorisation avec son rythme qui est lent. C'est une chanson que j'aime écouter et réécouter en boucle pour me donner un fond musical lorsque je vais écrire. Donc, c'est une chanson qui va favoriser chez moi l'inspiration. Donc, un état dans lequel je m'intériorise, je suis en contact avec moi-même. Et c'est une chanson aussi que je vais écouter lorsque j'effectue des activités qui demandent de la concentration. Donc, si je fais des activités de gestion, mon budget, par exemple, sur mon ordinateur, bien, je vais écouter ce type de chanson en arrière-plan musical. Ensuite, il y a la chanson « Porcelain » que j'apprécie particulièrement, qui présente de la musique planante avec des belles mélodies. Donc, il y a un bel air de piano qui est présent dans cette musique, de belles harmonies vocales également. Sinon, il y a aussi la chanson qui s'intitule « We are all made of stars », alors que nous sommes toutes faites d'étoiles, ou devrais-je dire de poussière d'étoiles. Donc, il y a plusieurs façons de le voir, mais j'ai choisi cette chanson non pas pour le titre, mais plutôt pour la belle mélodie pop qui me fait penser un petit peu à de la musique qui a été faite par David Bowie. Donc, c'est une belle chanson que j'aime écouter et réécouter. Et par la suite, il y a aussi la chanson de Rafters que j'apprécie, qui nous plonge dans un air gospel en boucle avec un rythme en arrière-plan qui est dynamique. Donc, je l'ai sélectionnée, étant donné que je trouve qu'elle présente une très belle ambiance. Il y a aussi la chanson à terminant, pour compléter ce top 5, The God Moving Over the Face of the Waters, qui est très belle, très inspirante, présentant une belle profondeur, une belle orchestration aussi. C'est une chanson dans laquelle on entend un air de piano qui reprend sensiblement les mêmes mesures. Donc, au début, on entend le piano seul, et ensuite, il y a d'autres instruments qui se rajoutent, et ça augmente progressivement en intensité, cette chanson, et c'est ça qui est beau par rapport à elle. Donc, c'est ce qui complète à présent mon top 5 des chansons par rapport à Moby. Bien entendu, j'aurais pu en mettre encore plusieurs, parce qu'il a réalisé au fil du temps plusieurs belles compositions dans des styles quand même assez variés. Donc, par rapport à cet artiste, je peux vous mentionner que tout récemment, donc au mois de juin 2017, il a sorti un nouvel album qui s'intitule More Fast Songs About Apocalypse. Et la particularité de cet album, c'est qu'il est disponible gratuitement. Donc, par rapport à cet album, vous avez la possibilité d'écouter un vidéoclip qui est extrait de ce dernier à l'égard de la chanson qui s'intitule In This Cold Place, que vous allez d'ailleurs retrouver en bas de cet enregistrement. Et par rapport à ce vidéoclip, juste en bas, vous allez avoir le lien pour télécharger gratuitement cet album. Et Bobby, ce qu'il dit dans son message, c'est qu'au lieu de lui donner un montant d'argent pour acheter l'album, il préfère qu'à la place, si vous le voulez, que vous donniez de l'argent par rapport à certaines œuvres de charité. Il affectionne particulièrement le droit des animaux, entre autres. Alors, par rapport à ce nouvel album, la chanson qui a été lancée en vidéoclip sur YouTube, In This Cold Place, elle nous plonge dans un univers qui est quand même assez sombre, bien que ce soit à travers des images de bandes dessinées, parce qu'on nous présente une image caricaturale qui nous fait penser à Donald Trump qui serait obsédé par l'argent, et en même temps, bien, la brutalité que les êtres humains font vivre à l'égard des animaux, comme par exemple, on nous présente des images de cochons qui sont mis en morceaux dans un abattoir, et aussi les poussins qui sont broyés, parce que c'est sûr que dans la production agricole industrielle de l'époque présente, eh bien, par exemple, on va tuer systématiquement les jeunes poussins mâles, parce que par la suite, ça ne deviendra pas des poules qui sont pondeuses. Donc, à ce moment-là, ils vont être littéralement broyés dans un déchiqueteur. C'est extrêmement violent, bien entendu, et ça doit être dénoncé, parce que quelque part, nos modes de vie sont associés à des rapports d'exploitation des animaux. Et c'est sûr que Moby a eu la sensibilité de réaliser l'absurdité des traitements qu'on inflige en tant qu'humanité à l'égard des animaux. Il est même devenu végétarien. Et en écoutant ce vidéoclip tout récemment, cela m'a fait penser aux baleines parce que j'ai écouté un documentaire sur Tout.tv. Et vous allez encore une fois retrouver le lien en bas de cet enregistrement. C'est sûr que là, ça commence à faire beaucoup de liens, mais vous allez voir, c'est indiqué là, par rapport aux liens. Je mets des petits titres avec les liens vidéo. J'ai écouté donc récemment un documentaire par rapport aux orques tueuses. Et c'est sûr que les êtres humains qui vont, par exemple, faire du dressage d'animaux pour faire des spectacles, pour divertir la foule, n'ont pas nécessairement un respect par rapport aux animaux, c'est un manque de sensibilité. Et dans le documentaire, il y avait entre autres une dresseuse de ces baleines, parce que les orques, c'est des baleines, qui vont leur faire faire des tours. Et elle disait naïvement que les baleines, elle aimait ça, faire ces tours-là, et que c'est pas parce qu'elle recevait des récompenses comme des poissons pour les effectuer. Que si ça serait pas de ça, elle les ferait pareil, alors que ce n'était pas vrai. Et ce qui arrive, c'est que ces animaux souffrent tellement qu'à un moment donné, ben justement, ils vont tuer des êtres humains parce qu'ils vivent la colère. Imaginez la baleine qui se fait enlever son petit bébé de force par des êtres humains pour ensuite aller vendre ça à un autre zoo. C'est un manque de sensibilité de séparer d'une mère de son bébé. Ça crée de la frustration, ou de garder l'animal à tourner en rond dans un petit espace, un petit bassin d'eau. Donc, c'est sûr que c'est un manque de jugement, quelque part, de prendre une baleine et le mettre dans un petit espace clos, un petit bassin. alors que l'animal à l'origine est fait pour se promener librement dans l'océan. Et par rapport à ce documentaire qui visait à dénoncer le sort des baleines par rapport à des parcs d'attractions, ce que je trouvais intéressant, c'est que, à quelque part, les gens qui ont été des dresseurs et qui dénonçaient par la suite la cause, parce que naïvement, ils voulaient bien faire, ils voulaient s'occuper de ces animaux, ils avaient du plaisir à être en contact avec eux pour leur montrer des tours, ils avaient toute une certaine sensibilité, mais il n'y avait pas nécessairement la sensibilité suffisamment grande pour réaliser qu'à quelque part, ces animaux souffraient et que leur vie pouvait être en danger. Et là, ça a pris des gens qui ont été blessés, qui ont même été tués par les baleines pour que publiquement et collectivement, on réalise que ça n'a pas de bon sens de garder des animaux comme ça dans des espaces clos. Et ça, ce documentaire-là, je le vois un petit peu dans la lignée des démarches que fait Moby pour dénoncer l'exploitation des animaux parce que, en fait, le propos que m'inspire Moby qui va dénoncer l'exploitation, entre autres, des animaux, est en relation avec le fait que l'être humain manque de sensibilité à l'égard de son environnement parce que il est pas assez conscient. Et à ce moment-là, il va faire des actions qui vont être néfastes pour des animaux, il va les faire souffrir, entre autres, mais il s'en rend pas compte de ça parce qu'il n'est pas sensible à la souffrance des animaux, donc il manque d'ouverture à l'égard du ressenti qu'il peut avoir à l'égard des animaux parce que il vit soit trop dans la tête, soit trop dans les croyances et coupé de son environnement. Je vais rentrer à présent dans des considérations plus occultes. Donc à ce moment-là, je vous demanderai de ne pas croire ce que je dis, mais plutôt de vérifier avec votre sensibilité si c'est réel. De mon point de vue, les gens qui vont se conscientiser au fil des prochains siècles vont développer une sensibilité qui va être beaucoup plus grande à l'égard des animaux. Et c'est sûr que c'est une aberration que l'être humain mange des cadavres d'animaux pour s'alimenter ou également des cadavres de végétaux parce que la condition de l'être humain est totalement anormale, est totalement malsaine présentement, est totalement évolutive. Et ça, un jour, ça devrait être modifié parce que éventuellement l'être humain, lorsqu'il va évoluer, lorsqu'il va intégrer l'énergie de l'esprit, va être capable de s'auto-alimenter sur le plan énergétique. Donc, autrement dit, il n'aura plus besoin d'exploiter les animaux pour se nourrir. Donc, autrement dit, il n'aura plus de rapport de domination à l'égard des autres règnes de vie. Il va être capable de vivre en équilibre avec son environnement, étant donné qu'il aura la sensibilité pour percevoir son environnement et il aura aussi la capacité de s'alimenter de sa propre énergie. Parce que, de mon point de vue, c'est totalement anormal et c'est totalement violent de réaliser que lors d'une vie humaine, quelqu'un qui va vivre jusqu'à 80 ou 90 ans, eh bien, va avoir consommé des milliers et des milliers d'animaux. Donc, il va participer à la mort de plusieurs animaux. Et bien sûr, je m'oppose à ça, mais en même temps, j'ai pas la capacité de m'auto-générer sur le plan énergétique en canalisant l'énergie du plan éthérique pour être capable d'arrêter de manger. Donc, autrement dit, je suis dans une position qui est très aliénante. Parce que quelque part, je réalise que c'est pas intelligent d'exploiter le règne animal, mais en même temps, je réalise que je ne suis pas capable de m'arrêter de manger présentement. Donc, je réalise qu'à quelque part, c'est un non-sens, le fait d'élever les animaux en production industrielle. Et éventuellement, les choses vont changer à mesure que les gens vont augmenter en sensibilité. D'ailleurs, le Québec est un des endroits dans le monde qui reconnaît les animaux comme étant des êtres dotés de sensibilité. Et ça, c'est tout récemment au niveau légal. Et des initiatives comme ça, en plus du Québec où je suis, il y a d'autres endroits dans le monde qui vont emboîter le pas. Et éventuellement, les animaux seront davantage respectés. Et éventuellement, même l'homme perdra la faim par rapport aux animaux parce que lorsque l'être humain aura la capacité de s'auto-générer sur le plan énergétique, parce qu'il appartiendra à l'évolution, eh bien, il n'aura plus besoin d'exploiter les animaux pour se nourrir et ça va se faire naturellement. D'ailleurs, quelqu'un qui augmente en sensibilité n'a plus de plaisir pour chasser et tuer des animaux parce qu'il est trop sensible à l'égard de la souffrance qu'il occasionne au règne animal et ça se fait naturellement. Et ça, ça va changer au fil du temps. Et ça, c'est intéressant. Et pour en revenir à Moby, bien, c'est sûr que là, je vous partage ce qui m'inspire. Bien, il y a quelques années, il m'avait touché parce qu'il avait conçu un album sur le concept suivant, c'est-à-dire que Everything is Wrong, et c'est le titre de cet album qui présente des chansons avec une couleur techno dans beaucoup de cas. Et l'idée est intéressante parce que en réalité, il nous proposait à travers le petit cahier qui se rapporte à l'album, donc le petit livret, des arguments pour nous dire que quelque part, tout notre mode de vie est mauvais. Parce que quand on regarde ça, on va manger la chair de cadavre, donc des animaux. Ensuite, on va se vêtir avec des vêtements de coton qui ont nécessité des pesticides et qui nous exposent aussi à des produits chimiques qui peuvent être dans certains cas toxiques. Ensuite, par rapport à nos comportements, il y a beaucoup de choses à dire. On détruit la forêt. Donc, il y a plein d'éléments qui sont critiquables par rapport à notre mode de vie. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est-à-dire l'exploitation industrielle qu'on fait génère beaucoup de pollution inutile. On utilise des sacs de plastique et on crée des déchets qui sont difficilement recyclables dans certains cas. Il y a beaucoup de choses à critiquer. La désuétude planifiée de certains objets de production de masse faisant en sorte que certains objets ne durent pas longtemps. Donc, il y a l'obsolescence programmée qui fait en sorte qu'après un certain temps, l'objet lâche au lieu de durer pendant plusieurs années. Et tout ça, ce mode de vie malsain fait partie du fait que nous vivons dans une civilisation humaine où la plupart des êtres humains sont inconscients, ce qui fait qu'ils génèrent de l'inconscience et ça donne un mode de vie pour les individus en société qui est très inconscient et très lourd au niveau vibratoire et karmique. Donc, les vibrations sont basses et en lien avec ça, ben il y a plein de choses qui n'ont pas de bon sens et ça devient difficile à corriger tout ça. Moi, c'est sûr que personnellement, je m'intéresse davantage au secteur de la psychologie. Donc, il y a des êtres humains qui peuvent réaliser, par exemple, que de faire preuve de violence physique, ça n'a pas de bon sens envers un autre être humain. On n'est pas encore au stade des animaux. Et là, l'être humain peut arrêter ce comportement, mais il peut continuer à faire de la violence psychologique et lui demander d'arrêter de faire de la violence physique, psychologique, verbale, ensuite de la violence financière qui cherche à dominer à travers son argent, par exemple, son conjoint ou sa conjointe. Ça devient beaucoup pour un être humain comme changement, ce qui fait que ça devient lourd à changer, parce que plus que des comportements malsains, plus que ça prend de l'énergie inversement proportionnelle pour les modifier, et plus qu'ils peuvent occasionner des résistances au changement. Donc, ce qui fait que ça devient long. Et pour une personne d'arrêter d'être violent sur le plan physique, donc une personne d'arrêter de battre ses enfants, si elle réussit ça dans sa vie, c'est beaucoup. Par contre, ça se peut qu'elle continue de leur manquer de respect sur le plan verbal en ayant à leur égard des insultes. Donc, puis en faisant preuve de violence psychologique, c'est-à-dire en essayant de les manipuler par l'intimidation, par des sentiments de culpabilité, de peur, de tristesse. Et ça, c'est plus subtil à voir. Fait que peut-être qu'elle va réaliser que bon, les comportements violents qui sont directement observables sur le plan physique, elle peut réaliser que ça n'a pas de bon sens, mais elle va continuer les autres, c'est-à-dire être violent sur le plan verbal puis psychologique. Par contre, si la personne a un peu plus de sensibilité, est capable d'arrêter les comportements violents sur le plan physique, ensuite violents sur le plan verbal, arrêter de dire des insultes, et aussi, ce qui est plus subtil, psychologique. Donc, avoir un esprit de domination. Mais les gens qui sont capables d'arrêter tout ça sont extrêmement rares parce que ça demande beaucoup de volonté et la société, présentement, est en mutation. C'est sûr que, présentement, le contexte d'évolution a fait en sorte qu'entre autres au Québec et en Occident, il y a eu beaucoup de comportements violents qui ont été commis à l'égard notamment des enfants. On n'a qu'à penser aux parents et aux éducateurs qui battaient les enfants il y a à peine quelques décennies. Donc aujourd'hui, c'est moins bien vu. Par contre, il y a encore des comportements de violence verbale, d'intimidation sur le plan psychologique. Et tout ça, ça peut prendre du temps à corriger, à modifier. En fait, quelqu'un peut s'incarner dans une vie dans l'optique d'arrêter les comportements de violence physique, ensuite se réincarner dans une autre vie parce qu'il faut pas trop lui en demander pour arrêter les comportements de violence verbale et ensuite se réincarner encore une fois dans une autre existence pour arrêter les comportements de violence psychologique. Alors qu'une autre personne qui est capable d'aller plus vite peut tout faire ça dans la même existence, mais ça c'est selon le niveau de sensibilité et d'évolution de la personne. Ce qui fait que la société évolue pas nécessairement très vite, et c'est ce qui fait que pendant longtemps, everything is wrong en société, dans le sens que la plupart des comportements et des rapports entre humains sont malsains. Je suis obligé de le dire, je suis un petit peu dans l'esprit du titre de l'album de Moby, dans le sens que de trouver des personnes avec lesquelles discuter qui chercheront pas à nous dominer sur le plan physique, sur le plan verbal, en nous coupant constamment la parole, en nous insultant, et de manière subtile sur le plan psychologique, c'est extrêmement rare, ça court pas les rues. Ce qui fait que, à quelque part, l'essentiel de nos modes de vie sont malsains. Et à ce moment-là, je suis extrêmement critique par rapport à la société. Et c'est ce sentiment de ras-le-bol par rapport à l'ensemble de nos modes de vie, de consommation entre autres, et de surconsommation, qui va mener à l'extinction de certaines espèces animales, que je critique et qui m'amène à constater que oui, l'essentiel de toute la société et la civilisation présente, c'est mauvais. Que voulez-vous que je vous dise? C'est le constat que je fais. Bien entendu, comme alternative, je propose le changement sur une base individuelle par rapport à ces modes de vie. Donc, il y a des choses qu'on peut arrêter. C'est sûr que, dans mon cas, je m'intéresse beaucoup à l'aspect psychologique. Donc, c'est sur le champ de bataille sur lequel je vais, dans le sens de développer la capacité sur ma base personnelle d'interagir avec d'autres êtres humains en étant capable de faire preuve de respect et de ne pas chercher à les dominer. Essentiellement, c'est sûr qu'il y a d'autres choses aussi à accomplir, notamment par rapport aux animaux. C'est sûr que dans un premier temps, par rapport à l'animal de compagnie que j'ai un petit chat, c'est de le traiter avec respect, donc de pas chercher à le maltraiter avec des coups comme certaines personnes violentes vont faire. Donc, il y a des choses concrètes comme ça qu'on peut faire sur une base individuelle. Sinon, ce que je peux rajouter, c'est que par rapport à la consommation de viande, c'est sûr que dans mon cas, j'ai diminué au fil des ans la quantité de viande que je consomme sans pour autant l'arrêter et être végétarien de comme Moby, là. Par contre, de mon point de vue, de diminuer la consommation de viande alors que je viens d'un contexte, tout comme ma compagne qui vit avec moi, où nos familles nous ont éduqués en bas âge à manger essentiellement de la viande rouge, donc d'animaux, c'est un tour de force. Donc, ça nous montre qu'on est capable d'apporter des changements par rapport au conditionnement social dans lequel on s'inscrit. Néanmoins, pour être honnête avec vous, l'une des raisons qui m'a amené à diminuer la consommation de viande rouge, comme du bœuf, c'est que l'Organisme mondial de la santé a démontré que de consommer de la viande rouge en grande quantité peut augmenter la possibilité d'avoir le cancer au niveau des intestins. Et puis, mon père est décédé du cancer de l'intestin grêle. Donc, ça a été l'une des variables. C'est sûr que dans un monde idéal, je ne consommerais pas de viande rouge. Je ne consommerais pas non plus de poissons, ni même de végétaux. Je serais plutôt une énergie autonome qui se déplace dans le cosmos et qui ne chercherait pas à entretenir à l'égard d'environnement planétaire des rapports de domination. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, nous mangeons des éléments matériaux parce que nous n'avons pas la capacité de nourrir directement d'énergie. Donc, on se nourrit à ce moment-là, d'éléments sur le plan physique pour compenser cette incapacité. Mais si nous étions en mesure d'avoir un taux vibratoire plus élevé, d'intégrer davantage la présence de l'esprit qui a une capacité de renouvellement perpétuel, eh bien, à ce moment-là, nous n'aurions pas besoin de manger de la nourriture sur le plan matériel pour se redynamiser, étant donné que alors on serait automatiquement dynamisé par la vibration de l'esprit qui serait intégrée. Donc, ce serait un mode de fonctionnement différent. Et c'est sûr que le mode dysfonctionnel qu'a l'être humain par rapport aux autres règnes de vie qu'il exploite, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, serait modifié. Et à ce moment-là, il y aurait un plus grand respect des différents règnes de vie sur Terre, un plus grand respect de l'environnement. Et aussi une plus grande indépendance, parce que si les gens n'ont plus besoin de s'alimenter de nourriture physique et peuvent s'alimenter directement de l'énergie qu'ils vont puiser, bien à ce moment-là, les gens sont plus nécessairement obligés de travailler pour se nourrir. Donc autrement dit, il n'y a plus à ce moment-là raison d'être à ce qu'il y ait des gens qui soient esclaves d'un travail ou qu'ils effectuent un travail sur le plan matériel qu'ils n'aiment pas pour des raisons de survie matérielle, lié au fait qu'ils ne sont pas en mesure d'avoir un taux vibratoire suffisamment élevé pour se nourrir d'énergie plutôt que de matière. Donc, autrement dit, il n'y aurait plus alors de situation d'esclavage par le travail et les êtres seraient totalement libres et autonomes. Mais ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va vivre en court terme, étant donné que la capacité de l'être humain de supporter la présence de l'esprit, de supporter une descente d'énergie, est limité par rapport à sa forme actuelle, c'est-à-dire un peu comme un contenant, bien chaque être humain est capable d'absorber une certaine quantité d'énergie. Bien sûr, il y en a qui sont davantage capables que d'autres, mais même parmi ceux qui sont capables d'en compter une grande quantité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même des limites à respecter, parce que si l'être humain est exposé à une trop grande quantité d'énergie, un peu comme un contenant, eh bien il va craquer. Donc, si vous mettez quelque chose avec une trop grande pression dans un contenant qu'il n'est pas en mesure de contenir, si on pense un peu à un ballon qu'on va souffler, puis il y a une trop grande quantité d'air ou d'eau à l'intérieur, eh bien le ballon va éclater. Et c'est tout à fait normal parce que cette forme n'est pas en mesure de contenir un plus grand apport énergétique. Et c'est la même chose par rapport à l'âme. Donc, l'âme, en évoluant, se raffine. Elle devient plus stable, elle devient capable de compter une plus grande quantité d'énergie qui provient de l'esprit, qui va l'habiter, qui fait en sorte qu'elle n'est pas une coquille vide, qu'elle n'est pas un ballon qui est vide d'air ou d'eau. Mais il faut comprendre que l'âme, dans sa capacité d'absorption, elle a certaines limites inhérentes à son niveau évolutif, ce qui fait en sorte que l'âme peut assimiler, absorber une certaine quantité d'énergie. Mais il ne faut pas qu'en ait trop, parce que sans ça, l'âme va être déstabilisée et va devenir dysfonctionnelle. D'ailleurs, il y a des gens qui sont en contact avec une trop grande quantité d'entités astrales et ces gens-là souffrent de problèmes de santé mentale. Donc, ils vivent des pertes de contact avec la réalité parce qu'ils sont confrontés à une trop grande quantité d'énergie qu'ils ne sont pas en mesure d'assimiler adéquatement, ce qui crée des problématiques et amène certaines personnes notamment à vivre des états de possession, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité avec leur volonté de gérer adéquatement l'énergie, ce qui fait en sorte qu'ils vivent sous l'influence de volontés d'entités extérieures à eux qui vont les diriger. Donc à ce moment-là, ces êtres sont téléguidés plutôt que des agents libres qui fonctionnent d'une manière autonome. Mais là, c'est sûr que je m'écarte un petit peu de Bobby auquel je voulais faire un hommage. Mais tout ça pour vous dire que le contexte présent planétaire où « everything is wrong » d'un certain point de vue, bien sûr, j'ai sans doute un de mes amis qui va entendre cela et me dire « c'est un point de vue polarisé, je le conçois ». Par contre, c'est intéressant de tenir compte de ce point de vue parce que ça nous amène à déconstruire le contexte planétaire. Parce que si l'âme n'aurait pas été séparée de l'esprit à l'origine et eu un taux vibratoire plus bas, eh bien l'âme n'aurait pas incarné un corps physique qui aurait dû s'alimenter de matière pour être capable de se renouveler. Donc autrement dit, si l'âme qui aurait été fusionnée avec l'esprit et restée avec lui dès le départ aurait eu un taux vibratoire suffisamment élevé, eh bien, ça n'aurait pas donné place à des êtres humains qui seraient alimentés de nourriture pour compenser un déficit d'énergie qui est lié au fait que leur vibration n'est pas assez élevée et qu'ils ne sont pas capables de s'auto-alimenter de l'énergie du cosmos. Mais éventuellement, la situation va changer au fil du temps parce que les âmes vont s'élever en vibration et elles vont devenir capables de contenir et d'assumer une plus grande capacité de présence d'énergie de l'esprit. Ce qui fait que tout leur fonctionnement lié notamment à la consommation et à la surconsommation des ressources matérielles va être altérée, ce qui fait qu'un ordre plus grand va être présent sur Terre. Mais d'ici ce moment, en lien avec ce que Bobby mentionnait, à savoir, parce que lui, il est pour le respect des droits des animaux, et suite au documentaire que j'avais vu par rapport aux baleines et également aux phoques qui peuvent être utilisés pour faire des espèces de tours de cycle dans des parcs aquatiques, bien, c'est sûr que ce qui peut être fait, c'est tout simplement boycotter ces activités, c'est-à-dire de ne pas assister à des spectacles impliquant là, des baleines, des dauphins, et ainsi de suite, pour ne pas encourager cette utilisation abusive des animaux qui les dénaturent et qui les gardent dans des environnements sous tension. Donc, c'est sûr que sur le plan personnel, d'ailleurs, je n'étais pas amateur de ce type de spectacle, et d'avoir entendu les propos tenus dans les documentaires que j'ai écoutés, parce que c'est un documentaire en deux parties sur tout.tv qui se rapporte notamment aux orques, donc un type de baleine. J'en suis venu à la conclusion que la chose la plus intelligente à faire, c'était de ne pas aller à ce type de spectacle.